Dès mardi, découvrez L'Appel des Abysses, troisième podcast natif de fiction de France Culture. La tempête a fait des ravages sur le territoire. L'océan a recouvert les continents, l'air est devenu irrespirable. L'élite financière s'est réfugiée dans une cité immergée. À la surface, les plus pauvres étouffent dans un immense bidonville flottant où gronde la révolte. Nous vivons tous accrochés les uns aux autres comme des naufragés à leur radeau. Élevé à l'air libre, Marin découvre qu'il aurait dû grandir dans les profondeurs. Il a été adopté. L'Appel des Abysses, fiction en 10 épisodes, en son immersif, sur franceculture.fr et les plateformes dédiées. Deuxième temps d'une série de La Fabrique de l'Histoire sur les écrivains, en particulier sur les lieux d'écrivains. Aujourd'hui, la mémoire des écrivains d'extrême droite et de la collaboration. Hier, nous avons pu écouter l'historienne Michel Perrault nous conter sa vision de George Sand dans son rapport à son lieu, Nohant. Demain, nous nous demanderons comment se sont patrimonialisées des maisons d'écrivains et d'écrivaines. Et jeudi, nous cheminerons sur les pas d'écrivains et de penseurs au Chambon-sur-Lignon dans le documentaire préparé par Séverine Niattard et Anne Fleury. Et aujourd'hui, dans notre émission d'archives du mardi, nous allons nous demander comment la mémoire des écrivains d'extrême droite ou des collaborateurs s'était inscrite ou pas dans notre histoire contemporaine. Avec Séverine Niattard qui a préparé et qui co-animera cette émission d'aujourd'hui. Avec nous, nous commenterons des archives radio de certains de ces écrivains, Rebatté, Céline ou Drieux par exemple, et ils seront commentés par Gisèle Sapiro, directrice de recherche au CNRS, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et qui vient de sortir, ou plutôt qui sortira après-demain, un livre aux éditions du Seuil, Les écrivains et la politique en France, de l'affaire Dreyfus à la guerre d'Algérie. Avec elle, Anne Simonin, directrice de recherche au CNRS, au CESPRA de l'École des hautes études en sciences sociales. Elle a travaillé sur l'indignité nationale et elle connaît très bien justement la place de ces écrivains dans ces conditions de l'après-guerre, en particulier des procès d'après-guerre qu'on a pu leur faire avec elles deux. Nous allons réfléchir à cette position particulière qu'ont pu avoir des gens comme Céline, Rebatté, Drieux ou d'autres. Bonjour Séverine Niattard. Bonjour. Bonjour à vous Anne Simonin. Bonjour. Et bonjour à vous Gisèle Sapiro. Merci bonjour. D'être avec nous pour la parution de votre livre « Les écrivains et la politique en France, de l'affaire Dreyfus à la guerre d'Algérie ». Cela fait un long moment que vous travaillez sur la question des écrivains pendant la Seconde Guerre mondiale, en particulier avec la guerre des écrivains que vous aviez publié en 1999. Puis ensuite, vous avez réfléchi à la responsabilité de l'écrivain. Et là, d'une certaine façon, vous reprenez encore ce sujet en travaillant sur le rapport des écrivains à la politique. On ne traitera pas de l'ensemble de votre livre, puisque dans cette émission d'aujourd'hui, on parlera essentiellement des écrivains d'extrême droite et de la collaboration. Mais vous couvrez une plus large période, bien évidemment, et également des écrivains de gauche. Comment voulez-vous avancer justement dans ce travail de long terme sur cette question du rapport des écrivains et de la politique par rapport à ce que vous aviez produit auparavant, Gisèle Sapiro? Oui, j'ai voulu construire une sorte de modèle pour réfléchir à ces relations entre littérature et politique en France au XXe siècle, à la fois pour comprendre les principes de polarisation des écrivains à droite et à gauche, mais aussi comment le politique est retraduit selon des enjeux littéraires pendant toute cette période. Et aussi, quelque chose qui est moins souvent pris en compte, c'est les modes d'intervention des écrivains, parce que à droite comme à gauche, on n'intervient pas de la même manière selon la position qu'on occupe dans ce que Pierre Bourdieu appelle le champ littéraire. C'est-à-dire que je distingue quatre types d'interventions. Les notables, donc ce sont les écrivains installés, qui ont une sorte de consécration académique, qui fréquentent les lieux de pouvoir. Et leur mode d'intervention se différencie de celui des esthètes, qui eux sont plutôt dans une sorte de critique de cette approche plus bourgeoise des notables, cette tendance à subordonner la littérature à la morale. Eux mettent en avant justement la dimension esthète de la littérature et valorisent une forme d'aristocratisme. Et puis, donc, au pôle des écrivains dominés, il faut distinguer aussi les avant-gardes qui font de l'art un instrument de subversion politique, des polémistes qui, eux, subordonnent en fait la critique, le jugement esthétique à la politique sous des formes qui peuvent être violentes en fait. C'est vrai. Et si on se replace dans le cadre d'une historiographie des intellectuels, en tous les cas chez Isabelle Sapiro, l'idée aussi c'est d'aller à l'articulation finalement entre les historiens des idées et puis les littéraires qui traitent évidemment aussi des écrivains. C'est ça qui est un petit peu complexe et qui rend peut-être plus complexe la tâche justement. Oui, mais... Alors Anne Simona. Oui, en essayant d'échapper quand même à une approche littéraire qui est tout le temps celle de la valeur, et donc et qui nous renvoie tout le temps à la question du talent. Et est-ce du que grand le écrivain. Talent exonère ? Est-ce que le talent n'exonère pas ? Et peut-être la dimension, alors historique, la mienne en tout cas, consiste à dire, écoutez, je ne sais pas si le talent exonère, mais il me semble qu'il faut revenir aux faits et qu'il faut revenir à une histoire finalement assez positiviste, parce que d'abord on a eu accès aux archives très tard, et qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur ces années 40. Et il se trouve que la configuration actuelle qui déplace la question sur la guerre d'Algérie est très favorable aux années 40, et on a, alors qu'avant il fallait tout le temps demander des dérogations, on a cette chance formidable de pouvoir travailler sur du très contemporain, en réalité, mais avec une véritable une liberté d'accès aux sources qui, je crois, permet fondamentalement de poser de façon nouvelle des questions qu'on croit bien connaître. Et puis, des questions qui se révèlent souvent dans le champ qui est le nôtre, le champ médiatique, sous le mode du scandale. On va écouter tout de suite une première archive, celle de Charles Maurras, qui va à l'Académie française et qui prononce son discours à l'Académie française au moment de son élection. Nous sommes en 1938, avant la Seconde Guerre mondiale. Voilà ce qu'il dit des raisons qui l'ont poussé à vouloir venir, à prétendre à ce poste, cette place à l'Académie française. Puisque j'ai l'honneur de m'adresser à un très grand nom, à un très grand auditoire de la France et de l'étranger. Peut-être quelques explications sont-elles nécessaires. On s'étonne quelquefois que un polémiste veuille pénétrer dans une assemblée aussi sereine que l'Académie française. Mais la pratique constante de cette compagnie a été d'admettre chez elle tous les genres littéraires comme toutes les doctrines politiques. La polémique a été brillamment représentée à l'Académie française par Boileau au XVIIe siècle et par Voltaire au XVIIIe. Il n'y a pas de raison pour que leurs angles continuateurs du XIXe et du XXe siècle n'y soient pas admis à leur tour. Quant à moi, j'avais une raison personnelle d'insister, car, d'un côté, ma vie s'est dépensée tout entière à essayer de constituer ou de reconstituer une sorte d'esprit public commun à la France, un état stable, durable, cohérent et autant que possible embranché et se rapportant à toutes les grandes forces du passé. Une seule institution pouvait correspondre à mon désir, c'était l'Académie française, parce qu'elle planait au-dessus de toutes les discussions de doctrine et de méthode, et que d'autre part, elle était séculaire, elle était même trois fois séculaire, elle procédait non seulement de la monarchie française, mais du grand esprit organisateur qui a présidé à sa forme moderne, qui est le cardinal de Richelieu, dont vous voyez sur ma cheminée le buste. Voilà donc un extrait du discours de Charles Maurras en 1938 devant l'Académie française. Charles Maurras qui a évidemment une place importante dans le livre que vous consacrez aux écrivains et la politique en France, Gisèle Sapiro. Il dit déjà quelques-unes des choses que vous pointez du doigt en tant que chercheuse sur les motivations de l'entrée en politique, mais aussi les motivations, par exemple, que l'on peut avoir à rentrer à l'Académie française. L'Académie française accueille, dit-il, des polémistes, et donc celui qui est parfois considéré par certains comme un poète est aussi un polémiste, et c'est sur ce point qu'il insiste, en l'occurrence, Gisèle Sapiro. Oui, alors c'est un exemple très intéressant de justement de basculement d'un polémiste dans la figure du notable, un cas de vieillissement social très caractérisé, puisque désormais... Il y a des notables très jeunes, vous savez, il y a aussi, ça peut arriver. Il y a des notables très jeunes, je suis bien d'accord, mais là, dans le cas de Maurras, c'est une des trajectoires qu'on peut observer, et c'est d'autant plus frappant que lui qui a attaqué tous les régimes antérieurs, tous les gouvernants, il n'écrira jamais une ligne contre le maréchal Pétain, dont il devient le conseiller du prince. Donc on est vraiment dans cette figure du notable. Alors ce qui est intéressant dans cette élection, c'est que on aurait pu penser effectivement Maurras, défenseur du classicisme, aurait toute sa place à l'Académie française, mais en réalité il s'agit d'une élection extrêmement politique qui est liée au contexte en fait de la radicalisation de la droite académique au moment d'abord de l'invasion de l'Éthiopie par l'Italie mussolinienne, et puis pendant la guerre d'Espagne. Maurras s'est élu alors qu'il revient d'une rencontre avec Franco. Il sort de prison pour avoir attaqué des gouvernants du Front populaire. En fait, cette radicalisation de cette droite académique, la droite conservatrice fait alliance avec l'extrême droite à ce moment-là, c'est en réaction, effectivement, au Front populaire. Donc, on voit bien cette logique qui prévaut du côté des notables, c'est-à-dire cette défense de l'ordre social hiérarchisé et des valeurs passéistes. Ils ont même fait lever l'interdit pontifical qui pesait sur l'action française depuis 1926, la condamnation du nationalisme intégral. Donc ce sont des membres de l'Académie, dont Henri Bordeaux, qui sont allés rencontrer le pape pour faire lever l'interdit sur l'élection de Maurras. Et permettre l'élection de Maurras, qui veut un État stable et cohérent. 20 voix, voilà. 20 voix sur 36 votants. Voilà. Donc, et vous dites à Gisèle Sapiro, juste pour ces notables, donc vous essayez d'en faire une typologie, donc plutôt bien dotés socialement, ils écrivent plutôt de la littérature défendant les bonnes mœurs, donc ils sont favorables à un État traditionnel, à une hiérarchie. Voilà. Et effectivement, vous avez cité Henri Bordeaux, il y a aussi Claude Farrère, Abel Hermant, Louis Bertrand, et Maurras devient donc le chef de file d'une certaine manière de ces notables, de ces traditionnalistes, qui parfois peut être utilisé par d'autres, on verra par la suite, qui vont s'opposer à Maurras. Ça veut dire ça va être une figure aussi d'opposition pour la jeune génération d'extrême droite qui va arriver. Effectivement, et qui va se rallier au fascisme. Mais ce qui est intéressant dans le cas de Maurras, le lien entre le classicisme et cette conception de la nation, c'est vraiment cette conception organique de la nation. Et il y a un beau livre de David Carroll qui analyse justement ce lien entre classicisme et vision organique de la nation, qui correspond tout à fait à cette idée qu'ont les notables de l'ordre, du bon goût, un pouvoir fondé sur la légitimité traditionnelle. Il condamne l'individualisme, le capitalisme, le progrès, la modernité, la démocratie. Et en fait, la politique chez eux est euphémisée sous la forme de la morale et aussi de la défense de la civilisation occidentale, en fait. Oui, il y a d'ailleurs une chose qui peut toujours nous surprendre, enfin en tout cas qui m'a toujours surpris moi-même, c'est la place que tient Maurras dans cette première moitié du XXe siècle, Anne Simonin, leader incontesté d'un mouvement politique, mais également de figure admirable, pourrait-on dire, pour certains jeunes écrivains, par exemple. Absolument, mais parce qu'il y a une dimension littéraire chez Maurras. Il y a une dimension d'avant-garde littéraire et de rapport à la langue qui fait que, par rapport au classicisme et à la défense de ces idéaux-là, Maurras reste, même si, après le 6 février 34, il n'apparaît plus comme un chef de guerre digne de ce nom, parce qu'on voit bien qu'il est en retrait et qu'il ne pousse pas, en quelque sorte, au coup d'État, il reste effectivement une plume de référence. Et il faut pas oublier que justement ces valeurs-là ne s'effacent pas, et que dans un monde d'autonomie de la littérature, eh bien le talent reste du côté de Maurras. Et ça fait partie des choses qui vont donner une très très grande résilience à la figure de Maurras. Et on voit bien encore aujourd'hui comment Maurras peut polariser, alors que le cas devrait être entendu, et que Maurras à la Libération sera quand même condamné à l'indignité nationale, pas qu'à l'indignité nationale, mais aussi à l'indignité nationale, et que lorsqu'on lui retirera sa Légion d'honneur, c'est lui qui aura la fameuse formule « c'est la revanche de Dreyfus ». Donc on voit bien qu'on n'en sort pas d'une certaine façon, et c'est vrai que j'ai un peu de mal à voir ce qu'il convient de commémorer en la matière. Oui, alors ça fait partie évidemment de ces débats sur la commémoration donc de Maurras, c'était cela qui était en discussion il y a quelques temps, c'est cela, et donc on voit bien effectivement qu'il y a permanence de la présence d'une figure comme celle-ci, et qu'on s'y réfère parce qu'aussi... on se dit, historiquement, il a eu un rôle, pas simplement un rôle politique, mais il a eu un rôle d'éveil des consciences, un rôle de leader auprès d'une génération qui ensuite a fait son propre chemin, Gisèle Sapiro. Ça c'est certain, mais les historiens d'histoire intellectuelle écrivent ça depuis toujours. Enfin, c'est pas un phénomène nouveau, et je voudrais citer un livre qui est jamais cité, mais qui est quand même très important, c'est celui de Colette Capitan-Péter, qui a écrit vraiment un livre sur la doctrine de Charles Maurras. Tout le monde connaît le nom de Maurras, le nom de l'Action française. Je vois pas en quoi la publication de ses œuvres complètes permettrait de la commémoration. On peut commémorer son procès, mais commémorer la naissance de Maurras, c'est malgré tout célébrer cette naissance. Oui, alors on a tout de même quelque chose de très intéressant, c'est que voilà, on est dans une série d'émissions qui parlent des lieux d'écrivains, des lieux dans lesquels ils ont vécu, qu'on a pour certains patrimonialisés. Et une des questions quand même, c'est de savoir comment ou pas patrimonialiser un lieu comme la maison de Maurras à Martigues, le MAS, qu'on n'ose pas appeler maison de Maurras la plupart du temps, dans une ville communiste qui ne sait pas quoi faire de ce don qui lui a été fait et qu'elle a récupéré dans son patrimoine personnel. Qu'est-ce qu'on fait de ces lieux de mémoire? On pourrait citer aussi la maison de Céline qui je crois, a été vendue récemment. À un privé, par contre. Et donc, de ces lieux qui, d'une certaine façon, alors qu'on crée des lieux de mémoire pour des écrivains, ne peuvent pas le devenir parce qu'elles portent en elles, disons, le regard que l'on peut avoir sur la personne, sur l'œuvre et sur ce qu'il a produit, Anne Simonin. Écoutez, me demander d'avoir une opinion là-dessus, j'en sais rien. Je trouve ça très curieux. C'est-à-dire ce moment où cette logique, pour moi, c'est pas de la patrimonialisation, c'est de la mitridatisation de l'histoire. Donc on a besoin de... Et on se retrouve dans quelque chose qui est quand même... il me semble qu'on ne pourrait... J'essaie de dire les choses autrement. On ne pourrait réussir à trouver une bonne solution ou une moins mauvaise solution que si déjà on avait une communauté réduite ou peut-être aux acquis, et en disant qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et on n'arrive absolument pas à trouver ce minimum civique d'accord par rapport à ça. Alors, demander à des gens de mobiliser des fonds publics pour venir investir dans ce type de lieu, ça pose inévitablement un problème. Voilà. Et je ne prétends pas le résoudre. En tous les cas, la mairie communiste de Martigues, pour l'instant, entretient, je crois, juste le jardin, un minimum de budget. Il va peut-être... ouvre peut-être le jardin, disons. Voilà. Mais effectivement, elle ne veut pas en faire publicité. Oui, Gisèle Sapiro, ce sont des lieux qui sont gênants d'une certaine façon quand ils arrivent dans un patrimoine public. On pourrait en faire un abri pour les immigrés. donc on va écouter une deuxième archive dans cette émission du mardi consacrée aux archives et donc à ces questions de la mémoire des écrivains collaborationnistes ou encore d'extrême droite. On va écouter une archive de Pierre Drieu-La Rochelle, enregistré en 1942, donc à la Radio Nationale, qui était donc la radio collaborationniste de l'époque. Voilà ce que disait Pierre Drieu-La Rochelle de ce fameux voyage d'écrivain en Allemagne, à Weimar. Avec quelques amis, Jacques Chardonne, André Théry, Georges Blond et André Fregnaud, nous sommes allés à la deuxième rencontre des écrivains européens qui a eu lieu à Weimar du 5 au 11 octobre. Nous avons répondu avec un intérêt réfléchi à l'invitation cordiale des écrivains allemands qui avaient déjà pris l'an dernier l'initiative de cet humain rapprochement. Nous avons revu cette très rare et très charmante ville de Weimar où nous avons reçu un accueil simple et libéral. Nous avons renoué des conversations commencées l'autre fois avec des Allemands et avec des hommes des quatre coins de l'Europe. En ce moment où les voyages sont impossibles, où les changements d'air ne se font plus, Nous avons été heureux de pouvoir reprendre le contact avec des Finlandais et des Espagnols, des Roumains et des Norvégiens. Tous ces hommes goûtaient de se trouver ensemble et de constater que le soin de l'art vivait encore dans les cœurs, au milieu des difficultés pareilles en tout pays. Il n'était guère question de politique. Les artistes comme les savants ont le privilège d'ignorer, ou plutôt, n'exagérons pas, de feindre d'ignorer l'énormité formidable des événements qui se déploient autour d'eux. Ce privilège est surprenant, mais si l'on y songe, il est nécessaire. Car il faut assurer, de peur qu'elles ne se rompent à jamais, la continuité de certaines délicatesses, de certaines intimités dans l'âme. De ce point de vue, cela est fort émouvant de voir un artiste finlandais ou un artiste roumain, comme un artiste allemand, alors que leurs patries sont engagées dans la lutte la plus longue et la plus décisive pour toutes les patries d'Europe, de se maintenir capable de parler avec enjouement et profondeur de poésie ou de musique. C'est ainsi que nous avons pris à Weimar une bonne leçon sur la persistance de la civilisation européenne au milieu des pires menaces. Voilà donc pour cet archive de 1942, nous sommes en novembre 1942, Pierre Drieu-La Rochelle raconte à la radio donc vichiste et collaborationniste, plutôt à la radio collaborationniste, son voyage à Weimar. Sévrignata. Il faut peut-être revenir, Gisèle Sapero, sur, enfin, sur la figure de Drieu-La Rochelle, nommé à la tête quand même de la NRF chez Gallimard, et voilà, qui avec d'autres écrivains vous classez dans le courant donc des écrivains distingués et de l'esthétisation, donc avec Monterland, Chardonne, Alfred Fabrelus, par exemple. Oui, tout à fait. Alors cette archive est fascinante parce qu'elle montre bien justement cette posture esthète. Il faut que l'art continue en toutes circonstances. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, ça, c'était la ligne allemande pour la NRF. Et ce qui est très intéressant, c'est que en fait, Drieu avait écrit une première introduction à la NRF quand il l'a relancée, qui était très engagée. Et on lui a fait revoir sa copie parce que c'était pas du tout ce qui très était... engagé en faveur de l'Allemagne. Oui, bien sûr. Mais c'était pas du tout ce que voulaient les Allemands. Eux, ils voulaient faire de la NRF une sorte de vitrine chic de la collaboration franco-allemande. Et donc, il a dû réécrire dans le sens... Parce que en fait, Drieu rêvait de jouer un rôle politique à cette époque. Et en fait, il est relégué à ce rôle de... Alors, ça lui convient parce qu'il a cette posture d'esthète en tant qu'écrivain. Donc, il y a ce paradoxe-là. L'autre chose qu'on entend dans cette archive, c'est le projet européen, en fait, qui est en train de se constituer autour de l'Allemagne. Hein, voilà. Donc, cette rencontre est censée illustrer la construction d'une Europe sous l'égide de l'Allemagne nazie. Oui, on ne peut pas feindre d'ignorer, dit-il, l'énormité des événements qui se déroulent ces temps-ci en Europe, dit Pierre Drieu-La Rochelle. Ouais. Anne Simonin. Je crois que cette dimension-là, la dimension européenne, elle est, si on prend le discours des collaborateurs au sérieux, que ce discours a été sanctionné et d'une façon, pour moi, sans ambiguïté, par la défaite. Il y a à la fois donc la dimension pacifique qui est très importante. Il ne faut pas oublier que Drieu, c'est un ancien combattant et qu'il y a des grands livres de Drieu. La comédie de Charleroi en est un. Et c'est un Européen convaincu. Et ça, il faut, et on le voit, et on le voit jusqu'au bout. Et Drieu, comme le faisait remarquer Gisèle Sapiro, a été censuré par les Allemands en 1940, c'est-à-dire au moment où il commence son ascension, mais il est censuré également par les Allemands en 1944 parce que Gerhard Heller, qui s'occupe donc des questions culturelles auprès de la Propagandastaffel, n'acceptera pas la publication des Chiens de paille. Les Chiens de paille, qui est le dernier roman de Drieu et qui est l'échec de cet idéal européen. Et je crois qu'on ne comprendrait pas, alors qui est une Europe, alors entendons-nous bien, hein, une Europe désenjuivée comme ils la conçoivent, et c'est-à-dire une Europe anticommuniste et de façon anti-bolchevique, et le juif étant une des figures du bolchevique. Mais jamais peut-être, et c'est ça qu'il y a de tragique, dans l'époque qui est la nôtre, l'idéal européen, l'idéal d'une culture européenne, parce que c'est ce que dit aussi Drieu en disant on peut, indépendamment des circonstances, parler avec un poète finlandais et ne parler que poésie ou ne parler que musique. Ce sont des hommes qui ont profondément cru que cette Europe pouvait naître sous l'égide du Troisième Reich. Et c'était une Europe, encore une fois, hein, je n'ai aucune complaisance par rapport à ça, mais il faut pas leur renier cette dimension positive leur engagement. C'est-à-dire il faut comprendre effectivement quels ont été les moteurs de cet engagement pour l'Allemagne, pour la collaboration et pour la guerre aberrant. Pour la guerre à outrance quand on la regarde aujourd'hui. Oui. Alors, pour que des pacifistes en soient à se dire on va rejoindre les rangs de la guerre à outrance, vous dites attendez, il y a un problème de cohérence personnelle, mais cette dimension européenne est une dimension absolument essentielle de mon point de vue. De même que le fait que des nationalistes aient soutenu un régime qui avait livré les deux tiers du territoire national à l'ennemi, et que ce soit les pacifistes antifascistes qui se retrouvent dans la résistance, c'est ce qui tendanciellement ressort au moins dans les milieux intellectuels, c'est aussi un paradoxe. Mais paradoxe aussi des relations de Drieu, parce que Drieu c'est un personnage quand même qui fréquente... avant cette période, Aragon, Malraux, et d'autres. Il a été, et qui avec Pollan, il est à la NRF. Oui, par Jean Pollan. Qui avait le bureau d'en face. Et je ne suis pas persuadé que la NRF est beaucoup intéressée, la direction de la NRF, est beaucoup intéressée Drieu. Il s'en lasse assez vite, même s'il va continuer jusqu'à ce fameux éditorial de 43. Donc nous avons toute l'intelligence française et contre nous. C'est vrai qu'il a toujours voulu jouer plutôt les missi-dominici avec cette vision d'un rôle politique, même auprès de Doriot, donc, et du Parti Populaire Français. Et puis, il est un homme pris dans un traquenard, à un moment donné, et il va essayer, alors 43-44, vous allez me dire, c'est facile parce que c'est purement opportuniste, mais il n'y a pas que ça, je crois, fondamentalement. Et les Allemands sentent bien qu'il est en train de chanceler et qu'il pourrait rebasculer du côté communisme et homme nouveau porté par les bolcheviques. Juste, Jean Pollan l'aidait en sous-main, mais n'a jamais voulu signer la Nouvelle Revue Française pendant la période de l'occupation. Oui. C'est important de le rappeler parce que une sorte de plaque tournante, il recrute pour la résistance, en fait, au même moment. Donc, en fait, la Nouvelle Revue Française est divisée et on a le pôle esthète qui est la droite de la Nouvelle Revue Française où il y a Monterland qui aussi valorise la poursuite de l'art en toutes conditions, tout en valorisant aussi l'idée de la guerre comme sport. Enfin, voilà, cette conception, esthète, et puis on a toute la jeune génération qui entre en fait en résistance à la suite de Jean Pollan. Alors Jean Pollan qui d'ailleurs, et vous le précisez dans votre livre, on le connaît évidemment, a joué un rôle à la fois pendant la guerre comme résistant, donc en recrutant pour la résistance, et puis qui a joué un rôle après la guerre, qui a été un rôle extrêmement important avec sa lettre ouverte au directeur de la Résistance, qui était un ouvrage qui a été saisi par tous ceux qui voulaient défendre la position de ceux qui avaient collaboré, les écrivains en particulier qui avaient collaboré pendant la guerre, pour justement dire, regardez, c'est un résistant irréprochable qui nous a défendu ou qui nous défend dans les années 50. Oui, c'est une maison d'édition irréprochable qui le publie, puisque la lettre au directeur de la Résistance est publiée aux éditions de Minuit. Voilà, donc il est certain que la charge de Pollan, qui est une critique très virulente et qui est une critique très anticommuniste de l'épuration, puisque en gros, l'épuration a été l'épuration. Enfin, ça c'est le mot d'extrême droite, la répression des faits de collaboration. Le jour où on acceptera de revenir à ce que la façon dont la résistance baptisait cette période, c'est la répression des faits de collaboration. Et ce sont justement les collaborateurs qui, pour disqualifier la période, l'appelaient l'épuration, pour dire que c'était, il n'y avait pas de justice possible dans le cadre d'une justice politique, ce qui est faux. Et Pollan va, en quelque sorte, dignifier tous les stéréotypes, les cours de justice, donc les juridictions d'exception aux mains des communistes, une logique de vengeance qui ne peut pas être une logique, des chiffres aberrants qui sont portés par des sources d'extrême droite, et en même temps, en disant sa colère. Et Pollan, il y a aussi un projet positif derrière ça. Pollan, c'est un mainteneur. Un mainteneur du champ, et il ne veut pas voir ostraciser des collaborateurs, des écrivains dits de droite, stigmatisés par la collaboration, et tout son travail va être la réintégration. Réintégration de Rebatté, réintégration de Céline, réintégration de Drieu, auquel la seule chose, pardon, qu'il ne pardonnera pas, c'est son suicide. Parce que son suicide, c'est presque la limitation du pouvoir de Pollan à faire en sorte que la communauté des écrivains puisse se reconstituer après la guerre. Alors, troisième archive de notre émission d'archives de ce mardi, autour des écrivains de droite, d'extrême droite et des collaborateurs. C'est une archive donc de 1943. Nous sommes dans un meeting, le meeting du Front Révolutionnaire National à Pleyel, et nous écoutons un extrait des discours, et en particulier, on y entend Lucien Rebatté, l'auteur des Décombres. Pour la première fois, le Front Révolutionnaire National a réuni dans la grande salle Pleyel les militants des partis qui ont adhéré à son programme d'action. 5000 personnes sont venues écouter les 9 orateurs inscrits, manifester leur volonté de s'unir pour la défense nationale dans toute la France contre le bolchevisme et acclamer la création des milices révolutionnaires nationales. Et voici maintenant Lucien Rebatté. Lucien Rebatté, l'auteur des Décombres, explique pourquoi, alors qu'il n'appartient à aucun parti, il prend la parole ce matin. Il appelle tous les révolutionnaires nationaux à limiter et à s'unir au sein des milices françaises. Ils comprennent bien qu'il n'est plus qu'un mot d'ordre que l'on puisse lancer. Le mot d'ordre qui a fait si souvent ses preuves quand on le poussait pour les fins les plus désastreuses. Le mot d'ordre que je criais déjà cette semaine devant un auditoire où il y avait sans doute un peu trop de douairières et pas assez de travailleurs, mais que je veux désormais crier inlassablement unité d'action! Unité d'action! Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Et Séverine Yattard, et nous recevons aujourd'hui Gisèle Sapiro et Anne Simonin à propos justement des écrivains de droite et d'extrême droite pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc Lucien Rebatté, lors de ce meeting du Front Révolutionnaire, meeting patronné par Marcel Déa, il y avait également aussi Alphonse de Chateaubriand qui était présent à ce meeting. Donc là on voit bien Gisèle Sapiro ou Anne Simonin, là on a l'engagement politique direct d'un écrivain. Enfin, il est plus question d'essayer de percevoir implicitement la question de la politique dans la littérature. C'est un engagement auprès de Déa, et c'est pas anodin d'ailleurs, parce que Marcel Déa plutôt que Doriot par exemple, parce que ce sont la plupart des normaliens, ces écrivains d'extrême droite. Oui, pas Rebatté, mais effectivement, non. Il y a une sorte d'attraction pour la figure de Déa, qui tente à ce moment-là de rassembler tous les partis collaborationnistes en un parti unique. Et en fait, cette défense du parti unique, ça caractérise les polémistes et les différentes idées notables qui, eux, ont une vision quand même plus d'une révolution conservatrice, la révolution nationale vichiste. Ils sont plutôt les traditionnalistes de Vichy, tandis que là, les polémistes, ils sont plutôt des modernisateurs et qui rêvent de cet étatisme centralisé, qui eux ne renient pas la révolution, qui s'inscrivent dans la continuité de cette révolution. Et alors Rebatté, il a publié ce best-seller de l'occupation qui est Les Décombres, qui a été vendu à 65 000 exemplaires, ce qui était pour l'époque beaucoup. Il s'en défendra après la guerre, enfin en disant que c'était une confession, mais on voit très bien qu'il assigne à ce pamphlet vraiment une fonction politique, et il a des ambitions politiques qu'on entend très bien, très clairement ici. Et on entend aussi la rhétorique caractéristique des polémistes, qui est une rhétorique de la violence, de l'appel à la violence, de la parole pamphlétaire. Et il est avec Chateaubriand qui, lui, donc, est plutôt représentatif des notables, je dirais. Bon, il est déjà très âgé, c'est un romancier régionaliste, pacifiste, fondateur de la Gerbe, qui avait écrit La Gerbe des Forces en 37, qui était fasciné par Hitler, en fait, et donc il a écrit cet essai à la gloire du national-socialisme, qui a été traduit en allemand. Il a fait une tournée de conférences en Allemagne en 38, et il a noué des liens, notamment avec Otto Abetz, et donc il fonde l'hebdomadaire La Gerbe, où il s'adonne au culte du Führer et du régime nazi, tout en appelant à une collaboration active pour constituer un ordre européen. Et en fait, il se rapproche lui aussi de Déa. Doriot ne participe pas à cette rencontre. Le PPF n'a pas voulu rentrer dans cette alliance. Oui, Anne Simonin, cette figure de Rebatté dont on a parlé récemment pour le succès, là aussi, de la republication de certaines de ses œuvres. Oui, parce que... il faut dire des Décombres. C'est vrai que c'est le best-seller de l'occupation. Parce que déjà, faire un best-seller sous l'occupation, ça suppose peut-être du talent, mais surtout du papier. Mmh. Et il faut jamais perdre ça de vue, c'est que si vous n'avez pas des stocks de papier, eh bien, et si vous ne faites pas partie de la collaboration, vous faites pas de best-seller. Mmh. Je rappelle que Le silence de la mer est tiré à 400 exemplaires, Vercors, donc le livre emblématique de la résistance, publication clandestine des éditions de minuit, qui lance les éditions de minuit, c'est 400 exemplaires. Mais d'abord, pour une raison matérielle de conditions de publication, mais aussi parce qu'il n'y a pas de stock de papier. Et par exemple, un auteur comme Céline est obligé de s'adresser à Karl Epting, c'est-à-dire au directeur de l'Institut allemand, pour avoir des stocks de papier. Un des auteurs privilégiés chez Gallimard, c'est Marcel Aimé. C'est-à-dire qu'on ne dit jamais que l'auteur le plus tiré, le plus vendu sous l'occupation, c'est Marcel Aimé. Mmh. Et donc, il va, avec La Vouivre, il va, je crois, faire 80 000 exemplaires. Donc, il faut relativiser, mais et le vrai problème, ce sont les stocks de papier et la commission de censure. Donc, tous les livres qui paraissent sont homologués comme participants à la construction d'un ordre politique validé par les nazis. Moi, ce que je trouve impressionnant dans ce que vous avez fait entendre de Rebatté, c'est d'abord que Rebatté a plus de talent à l'écrit qu'à l'oral, et ensuite qu'il y a cette... ce moment où ces hommes qui se croient des conseillers du prince vont vraiment avoir l'impression qu'ils peuvent être des petits caudillos, quoi. Et donc, là, même l'unité d'action, qui vont avoir la stature. Alors, est-ce que c'est parce que certains d'entre eux ont été anciens combattants, cas de Drieux et de Céline, donc ils ont eu un rapport à l'action, et ça a été des anciens combattants extraordinaires, hein. Il faut pas non plus leur retirer ça. Donc, il y a un rapport à l'action, mais là, c'est très impressionnant chez quelqu'un comme Rebatté d'avoir l'impression que tout d'un coup, ils vont effectivement refaire le monde. Voilà. Et un monde qui est, encore une fois, d'un antisémitisme sans les juifs, sans les communistes, sans les femmes, parce qu'on les met quand même au foyer. Donc, il faut voir cette dimension d'action dans leur engagement. Ce qui est très intéressant dans votre travail, Gisèle Sapiro, c'est que vous travaillez sur la longue durée, puisque vous travaillez de l'affaire Dreyfus jusqu'à la guerre d'Algérie, sur la place des écrivains et de la politique en France. Ce livre sort après-demain, donc aux éditions du Seuil. Et vous y travaillez sur l'après-seconde guerre mondiale, après la question donc de la collaboration. Et évidemment, tous ces personnages vont devoir, à un moment ou à un autre, se justifier, soit devant des cours de justice, Anne Simonin nous l'a dit, soit devant l'opinion publique, de leurs engagements qu'on a pu entendre dans les archives de ce jour, en l'occurrence Gisèle Sapiro. Oui, alors il y a tous les procès de l'épuration, à la fois en cours de justice et les procès en indignité nationale qu'a étudié Anne Simonin, où on voit les logiques de justification qui sont mises en avant. Alors c'est intéressant de voir que, par exemple, il y en a un qui va revendiquer sa responsabilité, non pas sur les accusations dont il est obligé, mais sa responsabilité de chef, de leader, de meneur, c'est Brasillac. Mmh. C'est le seul qui le dit clairement à son procès. Tous les autres, alors, il est vrai qu'ils sont en situation d'encourir la peine de mort, et que donc, on peut comprendre, évidemment, qu'ils cherchent des justifications, et en même temps que, profondément, ils ne pensent pas avoir trahi la nation. C'est sans doute sincère de ce point de vue-là, mais c'est vrai que quand Rebatté tente de présenter les décombres comme une confession, où Céline va encore plus loin, en fait, dans la dénégation de sa responsabilité, puisque il dit que les lettres qu'il a envoyées ont été traficotées, donc c'était pas telles qu'elles étaient. Il dit que personne n'a lu les Beaudras, qui n'étaient pas membres du cercle de collaboration, de cercle européen, qui était un des lieux de la collaboration, alors qu'il est avéré qu'il a été au moins à une conférence du cercle. Et il va même plus loin, il demande aux Juifs de le remercier, parce que s'il avait accepté le poste de haut-commissariat aux questions juives, voilà, il aurait dit que les Juifs devraient lui ériger une statue pour tout le mal qu'il ne leur a pas fait. Oui, Anne Simonin, effectivement, ce moment est un moment de vérité, pourrait-on dire, pour tous ces gens qui se sont engagés pendant les années 30 et puis ensuite pendant les années de guerre du côté de la collaboration avec l'Allemagne. Oui, alors moi j'aurais juste peut-être une nuance sur les qualifications faites par les juges. C'est vrai qu'il risquait la mort, mais d'abord Drieux, quand le mandat d'arrêt est lancé contre lui, il est au nom de l'article 83, c'est-à-dire qu'il risque une peine d'amende et la prison. Céline est inculpée au nom de l'article 75 puis disqualifiée par l'article 83. Donc il faut bien voir qu'il y a deux choses, il y a eu deux effets de cliquet. Brasillac, la condamnation à mort et l'exécution de Brasillac en février 45 et le suicide de Drieu-La Rochelle en mars 45. Après mars 45, je pense qu'il n'y a plus aucun écrivain en France qui a risqué la mort devant des juridictions d'exception. Ils sont rebattés et condamnés à mort, oui, mais après il sera gracié. Oui, ouais. Mais il ne peut pas savoir qu'il va être gracié. Oui, moi je suis très... Là, je pense qu'il y a des stratégies. Enfin, je trouve que le rôle des juges est très sous-estimé quand ils font... ils savent très bien qu'il y aura des grâces et donc il y a une façon de jouer avec ça, mais je pense très sincèrement que le grand parapluie qui a été dressé, c'est le suicide de Drieu-La Rochelle. Bien plus que Brasillac, qui est considéré comme un journaliste, alors que la star de la collaboration, c'est Drieu. Oui, voilà. Alors, il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est que se met en place, à partir de ce moment-là, un discours, Anne Simonin et Gisèle Sapiro, un discours de la justification, un discours de aussi du jeu, pourrait-on dire, du jeu littéraire. Marcel Aimé, par exemple, écrivant des textes qui sont des textes à clé, qui permettent de lire la condition de la Seconde Guerre mondiale à travers d'autres histoires, pour pouvoir dire, ben, regardez, la France est tombée sous la coupe de ceux qui la combattaient auparavant, etc., etc. Oui, parce que là, il y a une façon, il y a aussi un élément qui est très important à côté de l'anticommunisme, il y a l'antigaullisme. Et donc, il va y avoir une façon de régler ses comptes avec la fiction que met en place le général de Gaulle, mais une fiction au sens juridique du terme, où on va faire comme si la France avait été résistante. Le jour où on m'accordera que si on pense que le général de Gaulle est suffisamment bête pour penser que la France entière avait été résistante, ça fera peut-être gagner un peu de temps, parce que il sait très bien qu'il est dans le cadre d'une fiction, mais d'une fiction juridique. Il a besoin de donner cette image-là de même aux Français pour reconstruire. Donc c'est quelque chose, c'est une stratégie qui est une stratégie politique d'une intelligence pour moi immense. Et il y a face à lui des gens comme Marcel Aimé et des livres. Et Marcel Aimé, pour moi, est une référence, c'est un auteur qui est totalement sous-estimé dans l'histoire de la littérature française et qui a payé très cher sa proximité avec Céline en particulier. Et dans Le chemin des écoliers, Marcel Aimé va utiliser les notes en bas de page, la jurisprudence des tribunaux de l'épuration, pour montrer à quel point, effectivement, ça n'est qu'une forme de moralisme un peu débile, et que lorsqu'on connaît la vraie vie, celle que lui prétend rapporter, eh bien les choses ne se passent pas comme ça, et c'est pas blanc ou noir. Alors écoutons justement Céline, en 1957, qui est interviewée par Pierre Dumayet. Justification. Vous avez lu le titre de ce livre, D'un château l'autre, vous avez lu aussi le nom de l'auteur, Louis-Ferdinand Céline. Monsieur Céline, avant d'entrer dans ce livre, je voudrais vous poser une question à propos de vos livres précédents, question qui est contenue, impliquée dans celui-ci. Il semble que vous ayez été surpris, vous soyez maintenant surpris de cette avalanche de catastrophes qui ont été la conséquence de vos livres, particulièrement du voyage. Vous dites que c'est du voyage au bout de la nuit que sont venus la plupart de vos ennuis. Ennui étant ici un mot très faible. Que voulez-vous dire exactement? Vous ne vous y attendiez pas, enfin? C'est-à-dire que je suis parti dans l'écriture des livres sans vouloir obtenir une notoriété quelconque. Je pensais simplement en tirer un honnête bénéfice pour me payer un petit appartement dont j'avais bien besoin à l'époque. Et puis les choses se sont développées de telle façon que la vie du médecin, d'humble médecin, est devenue impossible et m'a compliqué de plus en plus la vie, si bien que j'ai été de difficulté en difficulté. Et puis jusqu'au moment où je me suis permis de m'occuper de politique, et ce fut évidemment le signal d'une revue, d'un anani qui me poursuit encore. Je voudrais que nous entrions quand même pendant quelques secondes dans votre livre, dans celui-ci, D'un château l'autre. Dites quels sont ces châteaux, enfin dites le principal. Ah ben monsieur, les châteaux, figurez-vous que je me suis arrêté là, j'en ai bien d'autres à raconter des châteaux. Mais là il est beaucoup plus question d'un château l'autre, il est beaucoup plus question par exemple de Sigmaringen. Dites-nous plutôt pourquoi ce château-là vous intéresse particulièrement à décrire. Ah ben parce qu'il était curieux, vu que j'imaginais très bien la vie du Moyen-Âge. C'est-à-dire les seigneurs dans un coin, des seigneurs chez eux, et puis les vilains en bas. Parce qu'on peut considérer que les ministres et les passés en sommeil, comme ils s'appelaient, ou en activité, étaient véritablement dans la position de seigneur. Alors que les collaborateurs du vulgaire étaient vraiment dans la condition de vilains. Et d'ailleurs, on pense en voyant ces châteaux à ce qui se passait. On nous faisait penser que nous avions parmi nous beaucoup d'historiens. Et on a raconté des histoires sur des histoires comme ça. Il y avait quand les Turcs faisaient l'assaut des châteaux à Vienne particulièrement, eh bien, on lançait des harpons et des crocs avec des grosses cordes. Et on les pêchait, on les amenait à la hauteur des mâchicoulis pour les tuer. Là, on voyait très bien les gens du château lancer des cordes avec des crocs pour ramener des collaborateurs pour les crever. Ça se pouvait très bien. Voilà donc le ton géniard de Louis-Ferdinand Céline en 1957. Nous sommes après aussi toutes les polémiques autour d'une nouvelle droite qui naît dans les années 50, autour du groupe des Hussards, de ces jeunes qui aussi parfois veulent justifier leur attitude ou l'attitude de leurs aînés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, en 1957, comment Louis-Ferdinand Céline explique qu'il est poursuivi par des gens qui lui veulent du mal, qui veulent même son alali, dit-il. Anne Simonin. Oui, c'est le 1957, c'est le grand retour littéraire de Céline, qui est rentré en France depuis 1951. Donc c'est pas facile de se restabiliser. Il faut quand même voir ça. Céline rate le Goncourt en 32 avec Le Voyage au bout de la nuit, mais devient immédiatement, et il cumule des positions. C'est un succès de librairie immense et c'est considéré comme un livre d'avant-garde qui révolutionne la littérature française. Ensuite, il y a tout le temps, il va être sur cette ligne de crête où à chaque fois qu'il publie, il fait événement, que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons, ça ne m'intéresse pas ici. Mais 54, Féerie pour une autre fois, ça marche beaucoup moins bien. Et ça marche d'ailleurs tellement moins bien qu'il est foudrage contre Françoise Sagan, qui, avec son élégance coutumière, c'est Bonjour Tristesse, l'année de Féerie pour une autre fois. Et elle lui fait dire par presse interposée, parce qu'il est très dur, il la critique beaucoup, elle lui demande s'il a besoin d'argent parce qu'elle est tout à fait prête à lui en donner. Donc, et elle est absolument parfaite, Sagan, là. Et donc, 57, c'est le moment, il y a une grande interview avec Madeleine Chapsal dans l'Express, qui est un modèle d'intelligence de l'interview. Et puis cette émission avec Pierre Dumayet, où Céline comprend qu'il doit faire de la publicité, qu'après les entretiens avec le professeur Y qu'il fait paraître dans la NRF en 55-56, eh bien, il faut qu'il incarne le maudit. Et Céline va travailler cette posture, aussi bien à Meudon avec ses chiens, ses houplandes, ou à la télévision avec Dumayet dans un costume un peu élimé, avec un col de chemise trop grand, et où il fait son retour, et il invente Sigmaringen. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que dans Château l'Hôte, c'est la fiction qui reconstruit l'histoire. Et c'est Henri Rousseau qui faisait remarquer ça, à mon avis, de façon très juste. C'est que Sigmaringen, avant, personne ne s'y intéresse. Et que Céline a... C'est assez extraordinaire. Céline écrit Sigmaringen avec un E. Et il le sait très bien. Dans sa correspondance, il écrit Sigmaringen normalement. Et il écrit Sigmaringen avec un E. Pourquoi ? Parce que Sig, ça veut dire victoire en Allemagne. En allemand, pardon. Mais on entend bien, Simonin, quand même, que là, il défend l'idée que le collaborateur n'est pas un traître parce que c'est un vaincu, que donc les collaborateurs sont des victimes. Là, on l'entend, dans son exemple, justement, du château de Sigmaringen. Il est dans cette logique de construction du martyr. La personne qui a le plus souffert, par rapport, vous pouvez pas imaginer ce qui lui est arrivé, eh bien, c'est lui. Et c'est lui qui est là pour témoigner et il va prendre en charge ses 1142 collaborateurs parce que tout d'un coup il se découvre une vocation à essayer de dire je vais redonner leur histoire à ces gens. Et c'est vrai que d'un château l'autre, alors il y a la trilogie donc d'un château l'autre et puis après Nord et puis Rigaudon, et il est quand même, et ça c'est vraiment intéressant d'un point de vue littéraire, il va quand même totalement renouveler son style et opérer une véritable renaissance littéraire. Mais il n'est pas le seul, Céline, justement, à prôner l'innocence historique. Hein, c'était pas de sa faute, c'était pas de leur faute à ces écrivains. Gisèle Sapiro. Non, il n'est pas le seul, mais c'est une posture un peu extrême, on l'entend, et c'est intéressant de comparer ça aux archives précédentes, triomphantes de Rebatté ou de Maurras. Évidemment, il n'a pas le même style, c'est pas la même posture, mais Céline a été un notable de la collaboration, un notable aussi en tant que médecin. Il a été invité en Allemagne en tant que médecin par le gouvernement nazi. Et donc, là, il se reconstitue une espèce de pauvre médecin, écrivain nécessiteux, et aussi la dénégation de sa responsabilité, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de ne pas du tout endosser, il dégage la question en fait de Sigmaringen. Mmh. Il n'en parle pas. Enfin, il parle de tout sauf de ce dont il faut parler. Oui, et puis par ailleurs, il est peut-être aidé en cela. Et je le disais tout à l'heure par le fait que de jeunes écrivains d'après-guerre vont, disons, non pas réhabiliter, quoique pour certains d'entre eux, ces écrivains qui étaient maudits à la libération, qui avaient participé à la collaboration, écrivains d'extrême droite, et que effectivement il y a des endroits où on va les mettre sur le pinacle, les porter au pinacle, les Thierry Mounier et les autres vont rendre grâce à ces écrivains de la collaboration. Gisèle Sapir, vous en parlez dans Les écrivains et la politique en France. Absolument. Donc il se passe une aversion historique à la libération, c'est-à-dire que jusque à la fin de la guerre, la notion de responsabilité de l'écrivain était une notion conservatrice utilisée pour réduire les libertés des écrivains modernes, en fait, pour résister au mouvement d'avant-garde, à l'expérimentation littéraire, en disant l'écrivain a une responsabilité, donc c'est Paul Bourget. Après la guerre, étant donné que la résistance est sortie triomphante de cette guerre, que Sartre va théoriser en fait la figure de l'intellectuel et de l'écrivain engagé, de l'engagement littéraire, à travers donc l'existentialisme, il y a une réaction des écrivains de droite qui va dans le sens de cette déresponsabilisation, et la jeune génération des hussards vont attaquer Sartre en disant bon, c'est Jacques Laurent qui écrit cet article Paul et Jean-Paul, où il assimile Jean-Paul Sartre à Paul Bourget parce qu'il est du côté de la morale et de la veut subordonner la littérature à la politique, et du coup ces écrivains de droite vont jouer la dénégation en fait de la responsabilité de l'écrivain. Ils vont constituer la figure de l'écrivain de droite comme étant celui qui a du style, celui qui a une sorte de distance de critique, de légèreté, d'aristocratie. De liberté aussi. Voilà. Mmh. Anne Simonin, un dernier mot. Je pense que la réorganisation de la bibliothèque, elle se fait plutôt dans les années 60. Et dans la mesure où c'est avec, alors ce qui se joue autour de Tel Quel, par exemple, ce qui se joue avec Récits secrets de Drieux-La Rochelle, les deux numéros de Lerne concernant, les trois numéros de Lerne concernant Céline avec Dominique Doroux. Et là, tout d'un coup, parce que les hussards, c'est une façon, c'est presque une relève, pour reprendre les catégories de Gisèle Sapiro, c'est presque une relève générationnelle. C'est-à-dire que là, il va y avoir un groupe qui va incarner et qui va pas être forcément très sympathique avec les aînés. Là où ça va être très intéressant, c'est quand on va voir ressortir par des gens qui se positionnent très clairement à l'extrême gauche du champ d'un point de vue politique, des références de droite. Et le cas Céline est tout à fait emblématique, mais c'est Bernard Franck qui dit son amour pour Drieux-La Rochelle. Et donc, il y a Philippe Solers qui écrit sur Céline à la demande de Dominique Doroux. Et là, il y a quelque chose qui va se produire, peut-être parce que c'est le gaullisme triomphant et que personne pense que tout ce qui s'est passé ne peut réapparaître. C'est le début des années 60. On peut dire beaucoup du mal du père, mais qu'est-ce que c'est rassurant d'avoir papa aux commandes. Merci Anne Simonin. On pourra lire avec beaucoup d'intérêt, ça paraît après-demain, votre livre, Gisèle Sapiro, qui va beaucoup plus loin que ce que nous avons dit sur les écrivains de droite ou d'extrême droite, puisque vous traitez de l'affaire Dreyfus à la guerre d'Algérie, la question des rapports entre les écrivains et la politique en France. C'est aux éditions du Seuil. On pourra évidemment lire avec beaucoup d'intérêt votre travail sur l'indignité nationale. Et on attend Anne Simonin, sûrement des travaux plus récents, en particulier sur Céline et sur les procès, peut-être, pourquoi pas, de la Libération. On attend cela d'ici quelques temps, on l'espère. Merci à toutes les deux d'être venues pour cette deuxième émission de notre série consacrée à la question des lieux d'écrivains. Nous nous retrouvons demain, Séverine Yatard, pour parler de la patrimonialisation des lieux d'écrivains, des maisons d'écrivains. Ce sera le thème de notre discussion de demain. L'émission était préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marsay. Nicolas de Pagraf était avec nous à la technique aujourd'hui et Anne Fleury à la réalisation.